Quand j'ai dû m'attaquer au post-apo, le choix était, on va dire, controversé dans ma pauvre tête. Mais j'ai été attiré par le plus improbable, en fait, l'adaptation fauchée et américaine de Ken le Survivant avec Guy Daniels. Bon, j'aime bien Guy Daniels, mais il est loin de la carrure de Ken, même s'il fait tout ce qu'il peut pour porter le film et que ses talents martiaux sont impressionnants. Ce qui n'est pas impressionnant, en revanche, c'est le jeu d'acteur des seconds rôles et figurants. Et puis, les décors, qui feraient passer les post-apos transalpins avec leur carrière pourrie pour des blockbusters pétés de thunes. Rien ne va dans ce navet trop bavard et trop moche pour être honnête. On y croise même ce bon vieux Malcolm McDowell, au creux de la vague, qui vient cachetonner pour payer ses impôts. Depuis des années, je me fais un malin plaisir de regarder ce film avec les potes qui passent à la maison et en général, passé l'incrédulité des premières minutes, eh ben on rigole bien, même si on s'intéresse plus tellement au métrage. Et je dois bien avouer que seul, même avec un bon lagavulin, eh ben ça n'a pas la même saveur. D'ailleurs, un vrai nanar, c'est comme une partouze, ça ne prend de sens qu'à plusieurs.